1 Chronique, chapitre 8. Benjamin engendra Béla, son premier-né, Ashbel le second, Ashrak le troisième, Noka le quatrième et Rapha le cinquième. Les fils de Béla furent Adar, Guéra, Abihud, Abishua, Naaman, Akoar, Guéra, Shefufan et Huram. Voici les fils d'Écud, qui étaient chefs de famille parmi les habitants de Géba, et qui les transportèrent à Manakat. Naaman, Akija et Guéra. Guéra, qui les transporta, engendra Uza et Akikud. Shacharaïm eut des enfants au pays de Moab, après qu'il eut renvoyé Ushim et Baara, ses femmes. Il eut de Hodesh, sa femme, Jobab, Tsibja, Mesha, Malkam, Jutz, Shogja et Mirma. Ce sont là ses fils, chef de famille. Il eut de Ushim, Abitub et Elpaal. Fils d'Elpaal, Héber, Michéam et Shemer, qui bâtit Ono, Lod et les villes de son ressort. Beria et Shema, qui étaient chefs de famille parmi les habitants d'Ajalon, mirent en fuite les habitants de Gath. Ashjo, Shashak, Jérémoth, Zebadja, Arad, Eder, Mikaël, Jishva et Joka étaient fils de Beria. Zebadja, Meshulam, Iski, Héber, Jishmeraï, Zizlia et Jobab étaient fils d'Elpaal. Jakim, Zikri, Zabdi, Elienaï, Tziltaï, Eliel, Adaja, Beraja et Shimrat étaient fils de Shimei. Jishpan, Héber, Eliel, Abdon, Zikri, Hanan, Anania, Elam, Antotija, Jifdeja et Penuel étaient fils de Shashak. Shamsherai, Shesharia, Atalia, Jaareshia, Elija et Zikri étaient fils de Jérocam. Ce sont là des chefs de famille, chefs selon leur génération. Ils habitaient à Jérusalem. Le père de Gabaon habitait à Gabaon, et le nom de sa femme était Maaka. Abdon, son fils premier-né, puis Tsur, Kis, Baal, Nadab, Gedor, Ashjo et Zeker. Miklot engendra Shimea. Ils habitaient aussi à Jérusalem près de leurs frères, avec leurs frères. Ner engendra Kis, Kis engendra Saül, Saül engendra Jonathan, Malki-Shua, Abinadab et Eshbaal. Fils de Jonathan, Merib-Baal. Merib-Baal engendra Miché. Fils de Miché, Piton, Melech, Taéréa et Akaz. Akaz engendra Jéhoada. Jéhoada engendra Alémet, Azmavet et Zimri. Zimri engendra Motsa. Motsa engendra Binéa, Rapha, son fils, Eléaza, son fils, Hatzel, son fils. Hatzel eut 6 fils, dont voici les noms. Azrikam, Bokru, Ismaël, Shearia, Abdias et Hanan. Tout cela était fils d'Hatzel. Fils d'Échec, son frère, Ulam, son premier-né, Jehush le second et Eliphelet le troisième. Les fils d'Ulam furent de vaillants hommes, tirants de l'arc. Et ils eurent beaucoup de fils et de petits-fils, 150. Tout cela sont des fils de Benjamin.